Externe et le genou au bas. Vamos a testar la rodilla en interno, externo y el para arriba, para abajo. D'accord. Donc le point fixe au niveau de ce testing sera le fémur. Este, el punto fijo en este test será el fémur. D'accord. Donc on bloque le fémur et on mobilise le tibia par rapport au fémur. Bloqueamos el fémur y movilizamos la tibia respecto al fémur. Donc soit dans le plan frontal, il mobilise donc le tibia en médial latéral. En el plano frontal, movilizaremos la tibia en el medial lateral. Et soit on est dans le plan sagittal et on va mobiliser le tibia avant par rapport au fémur. Y si estamos en el plano sagittal, movilizamos la tibia delante del fémur. D'accord. Donc ça, ce test-là, vous permet en fait de voir tous les tests qu'on fait contre le fémur, qui permettent de faire un état des lieux en fait au niveau du genou. Un état des lieux, voir comment évoluer. Faire un bilan. Test nous permet de savoir l'état général de la rue. D'accord. Au niveau thérapeutique, ça change rien, parce que de toute façon, le genou, vous allez tout le temps le traiter avec le même élément, c'est-à-dire le MMI. A nivel terapéutico no nos va a cambiar nada porque siempre vamos a tratar la rodilla con un MMI. D'accord. Mais l'intérêt de faire ce testing analytique, c'est que quand vous verrez votre patient en visite de contrôle, cuando veáis al paciente en la visita de control, donc de vérifier que les tests qui étaient perturbés au niveau du genou à l'état initial, el verificar que el test que estaba perturbado en un estado inicial sont de nouveau fonctionnels. Ha vuelto a ser funcional. D'accord. Okay. Donc, lorsque l'on vient tester, donc lorsqu'on fait le glissement dans le plan frontal, on en dehors. Cuando hacemos el deslizamiento en el plano frontal de la, interior, interno, ¿no? Voilà, on teste, en fait, on est sur les ligaments latéraux. Estamos testando sobre todo los ligamentos laterales. Ok. Lorsqu'on est sur le testing avant-arrière, la plan sagittal. Cuando estamos en el plano sagittal, delante y detrás. On va venir plus tester les ligaments croisés. Ce sont eux qui vont limiter le mouvement. Vamos a testar los ligamentos cruzados. Los que van a limitar el movimiento van a ser los ligamentos cruzados. Donc, cette notion de point de chute du centre de gravité en avant et en dehors du pied. Cette notion de que cae al centro de gravedad delante y dentro del pie a pour conséquence en fait d'entraîner un mouvement de pronation au niveau du pied. Tiene una consecuencia de entrañar o llevar a cabo una pronación del pie. Il faut bien avoir à l'esprit que les mouvements de pronosupination au niveau du pied. Hay que tener en cuenta que la pronosupinación del pie va avoir comme répercussion au niveau du genou. Tendrá su repercusión a nivel de la rodilla. Ça va entraîner en fait des mouvements de rotation au niveau du genou, du tibia par rapport au fémur. Va a traer rotaciones a nivel de la rodilla, de la tibia. C'est-à-dire qu'en fait une instabilité au niveau caudal. Esto significa que una inestabilidad a nivel caudal entraîne des contraintes de torsion en fait, au niveau du genou. Crea tensiones de torsion. De la tensión de torsión a nivel de la rodilla. Au niveau du genou. Sur ce genou, par rapport au mouvement, par rapport à la marche, hein, en fait, on a en permanence des mouvements de rotation du tibia par rapport au fémur. Tenemos una rotación permanente de la tibia respecto al fémur. C'est pour ça que les ménisques, en fait, ne sont attachés que par deux cordes et pas sur leur totalité. Por eso los meniscos están atados solamente por dos cuerdas y no en su totalidad. Et le fait d'avoir que deux points d'attache permet aux ménisques d'avoir une mobilité en fait par rapport à ces mouvements de rotation que vous observez. Y el hecho de que los meniscos estén atados solamente por dos puntos permite al menisco ir moviéndose durante estas rotaciones. Donc enfin l'extension par rapport au membre ballant, donc c'est-à-dire le pied qui n'est pas en appui lors de la marche. Donc lors de la marche. Cuando caminamos en la marcha. Lorsqu'on s'occupe du pied qui n'est pas en appui. Cuando nos ocupamos del pie que no está apoyando. À la fin de l'extension, le pied se trouve en rotation externe. enfin la jambe se trouve en rotation externe. Et al final de la marcha, la pierna se encuentra en rotación externa. D'accord, c'est quelque chose qui est totalement automatique. Es algo que es totalmente automático. Maintenant, lorsque le pied est en appui, cuando el pie está apoyando, avec le fait que la ligne de charge passe en avant et en dedans, por el hecho de que la línea de gravedad pasa por delante y medial, on va avoir en fait une rotation automatique qui va se faire au niveau du fémur, mais qui est une rotation interne. Tenemos una rotación automática que se hace a nivel del fémur, qui est une rotation interne. Que es una rotación interna. Ça veut dire que le fémur et le tibia ne tournent pas dans le même sens. Esto significa que el fémur y la tibia no rotan en el mismo sentido. Ok. Donc ça veut dire que le pied qui va venir en contact au sol lors de la marche va arriver avec une jambe en rotation externe. Cuando montamos la marcha, vamos a empezar en una rotación externa. D'accord. Et lorsque le pied va être en appui, on va avoir une rotation interne qui va se faire au niveau du fémur. Cuando apoyamos el pie, vamos a hacer una rotación interna a nivel del fémur. D'accord. Donc le tibia et le fémur ne tournent pas dans le même sens. Esto significa que el fémur y la tibia no rotan en el mismo sentido. Ok, ça c'est une chose. Esto es una cosa. Alors, si on regarde un petit peu la jambe au niveau anatomique. Si vemos la pierna a nivel anatómico. Quand vous vous souvenez qu'on avait dit que le pied donc, a tendance à partir en deux jambes. La pierna tiene presencia de carga presente hacia adentro. D'accord. Mais donc, au niveau de la stabilité interne, on a un gros muscle qui vient stabiliser le pied. A nivel de la estabilidad interna, hay un músculo grande que nos da estabilidad. Là, c'est le tibia posterior. Es el tibia posterior. Ok, vous voyez, il passe sous la voûte plantaire, c'est une grande nerf fibrose, il s'étale et il s'attache sur pratiquement tout le médiocle. Es un músculo grande que pasa por el. Il passe en dessous et s'attache sous le médiocle. Pasa por debajo y se inserta prácticamente en todo el médiocle. D'accord. Il y a juste un truc que je peux vous aider. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous aider. Donc le pied, vous vous souvenez, le problème qu'il a, c'est d'arriver à se stabiliser en cono supination. El pie, el problema que tiene es de estabilizarse en cono supination. Pour ce faire, en fait, au niveau de l'organisation musculaire, le jeu se fait bien fait. Para esto, a nivel muscular, las cosas están muy bien hechas. D'accord, on va dire que c'est un pied. Eso es un pie. Bueno. D'accord. Intentamos. C'est bon, vous voyez mon pied? Super. Donc, au niveau... C'est bon? Donc, au niveau des muscles qui viennent de stabiliser, on va avoir un grand muscle qui va arriver. A nivel de la musculo que va stabilizar. D'accord, on a le tibial postérieur. Que se llama el tibial posterior. Donc, le tibial postérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver par en dessous et il va venir s'attacher sur tout le médioquier. El tibial posterior va llegar por debajo y va venir insertarse en todo el médioquier. Por debajo. Ok. On va avoir un autre muscle qui va venir l'aider, qui va être le tibial antérieur. Vamos a tener otro músculo que va a venir a ayudarle, que es el tibia anterior. D'accord, y lui va venir s'attacher en fait sur la partie médiale du pied. Que se inserta en la parte médiale del pie. D'accord. Et pour la partie externe, on va avoir le long péroné latéral. Pour la partie externe, vamos a tener el peroné largo. D'accord, qui lui va passer en dessous et qui va se croiser avec le tibia postérieur. Long péroné latéral. Fibulaire. El peroné largo. Long fibulaire. Et on va avoir le court fibulaire qui va venir lui s'attacher ici. Y tendremos el peroneo corto que se va a insertar en la espinoide de M5. D'accord. Donc, on a deux stabilisateurs qui viennent de chaque côté, le tibial antérieur et le court fibulaire. Tenemos dos estabilizadores que llegan a cada lado, el tibial posterior y el largo. Tibial antérieur et le court fibulaire. Tibial posterior y el corto fibular. Voilà. El tibial anterior, el tibial anterior y el corto peroneo. Esos son los estabilizadores. Et on va en avoir deux autres qui vont passer en dessous et qui vont se croiser pour le stabiliser, stabiliser le pied par en dessous. Et là, c'est le tibial postérieur. El tibial posterior et le peroneo largo va aller por debajo y cruzarse para estabilizar el pie por debajo. D'accord? Et c'est ça qui permet de stabiliser le pied. Y eso permite estabilizar el pie. Donc après, si on regarde au niveau des muscles en eux-mêmes, alors c'est vrai que la majeure partie des contraintes va se faire en dedans, puisque le pied a tendance à partir en dedans. La mayoría de las tensiones se va a hacer, de las fuerzas se va a hacer por dentro. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que le tibial postérieur et le tibial antérieur sont des muscles qui sont costauds. Por eso el tibial posterior y el tibial anterior son músculos potentes. Ok. Et pour stabiliser l'extérieur, on va avoir le court et le long fibulaire. Y para estabilizar el exterior tenemos el corto y el largo peroneo. Donc, il y a moins de contraintes en externe qu'il y en a en interne. Entonces hay menos fuerzas en externo que la que hay en interno. D'accord. Donc c'est pour ça que les fibulaires sont moins gros. Por eso los peroneos son más delgados. Menos potentes. Et ce qui permet aussi d'avoir des fibulaires qui ne soient pas gros, donc qui ne prennent pas de volume, c'est le peroné. Et lo que permite de tener músculos peroneos delgados, que no tengan volumes, es el peroneo. Lo que permite que los músculos peroneos, el corto y el largo, sean más delgados. O sea, que no necesitamos tanta fuerza en la parte externa, ¿vale? Que sea más delgado es el hueso peroneo. La fibula, no sé cómo se llama, peroneo. El hueso peroneo permite que sea delgado. Mais pourquoi? Parce que en fait, l'avantage du peroné, c'est qu'on décale le muscle, donc on augmente le poids de levier. Vale. El peroné permite desplazar el músculo un poquito hacia el externo y aumentar el efecto de palanca. Por eso no necesitan estar tan potentes los peroneos. Y donc, cuando augmente el poids de levier, el músculo es obligé de fournir moins de travail para avoir le même résultat. Donc, c'est pour ça que le jeu de parole. Voilà, le géniparum est entre autres une adaptation du manque de force en fait des fibulaires. Es una adaptación de la falta de fuerza de los músculos peroneos. Donc si on compare en fait la jambe à une planche à voile. Si comparamos con una. Si comparamos eso con una tabla de Wilson. Ok, donc le mât de la planche à voile, c'est le tibia. El mástil de la vela representa la tibia. D'accord, le tibia. Donc ce mât qui va lutter en fait pour que le poids du corps sur la planche à voile, ça serait le vent qui pousse dans l'autre sens. El mástil es la tibia, ya dije. Le mât, c'est le tibia. Ok. Là, la problématique, c'est d'arriver à lutter contre le vent. Donc nous, c'est lutter contre le poids du corps. El tibia tiene que luchar contra el poids del cuerpo, como el mástil tiene que luchar contra la fuerza del viento. D'accord. Donc pour ce faire, eh ben, le véliplanchiste, qu'est-ce qu'il fait? Il a un wishbone qui permet d'avoir un point de vue plus important. Nous, le wishbone, c'est la fibulaire. Para luchar contra el peso, para luchar contra el viento, qui représente el peso en este caso, el hombre tiene el wishbone, esto, esta parte donde se agarra él, para tener más palanca, para resistir más al viento. ¿Vale? ¿Entiende o no? D'accord. Y entonces, en el caso de. Pero la fibula es el wishbone. Ça serait le wishbone. Entonces, en este caso, el hueso peroné sería el wishbone, ¿vale? Esta parte que permite hacer palanca. pas comme voyez, le contrat de peso. Ouais. Et donc en fait, sabiendo que el hombre representa los músculos peroneos, ¿vale? ¿Lo tenéis o no? ¿Lo volvemos a explicar? Sí, no. Alors, c'est pas grave, on va venir sur l'explication. Donc, on a vu que le pied en appui a tendance à partir en dedans. El pie en apoyo tiene tendencia a irse hacia adentro. Si le pied part en dedans, il va entraîner le tibia avec lui en dedans. Si el pie va hacia adentro, se lleva la tibia hacia adentro. Donc, pour lutter contre cette bascule du tibia en dedans, para luchar contra esa báscula de la tibia hacia adentro, ce sont les fibulaires qui vont tirer vers l'extérieur. Son los músculos peroneos que van a tirar hacia el exterior. Et ce qui permet surtout aux fibulaires de tirer vers l'extérieur, c'est le long fibulaire. Lo que permite que los peroneos tiran hacia afuera, sobre todo el peroneo largo. Pourquoi? Parce que lui, il vient prendre son attache en fait sur le premier rayon, en interne. Porque él viene a coger su terminación en la base del primer metatarsiano, por debajo. Donc, c'est-à-dire que sur le pied en appui, en fait, le long fibulaire vient s'accrocher sur le premier méta, donc vient s'accrocher en dedans pour pouvoir tirer la jambe vers l'extérieur. Entonces, el largo peroneo va hacia adentro, por debajo del pie, para sentarse y hacer con más fuerza para tirar hacia afuera. La d'accord. Donc, ce qui veut dire que ces fibulaires viennent stabiliser effectivement la cheville en externe. Los peroneos van estabilizando el tobillo en externo. Donc, on les connaît beaucoup pour cette fonction-là. Los conocemos mucho por esa función que tiene. Mais finalement, du fait qu'ils tirent le tibia vers l'extérieur, ils luttent aussi eux contre la poussée palchisante. Pero también, como van tirando de la tibia hacia el exterior, también luchan contra el empuje palpizante. D'accord, donc ça veut dire que les fibulaires ont aussi une action antipalpizante. Entonces, los peroneos también tienen una acción antipalpizante. Donc, surtout ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, ben, ça permet de comprendre que l'action des muscles n'est jamais une action qui est vraiment simple. Entonces, nunca la acción de los músculos es sencilla. ¿Vale? Puede ser más compleja. D'accord. Et par rapport à vos études, on a dû tout le temps vous parler du tibia postérieur comme stabilisateur interne du pied. Et respecto a sus estudios, siempre se ha hablado del tibia posterior como un estabilizador interno del pie. Mais jamais les fibulaires. Pero nunca se le había dicho de los peroneos. Pourquoi vous agissez aussi? Pero sabiendo que ellos también tienen acción a ese nivel. Ok. Donc ça, en fait, si vous avez compris ça, vous avez compris à quoi sert le péroné et pourquoi on a un péroné qui est détaché du tibia. Si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous savez pourquoi nous avons un péroné et pourquoi il est séparé de la tibia. Voilà, c'est juste pour une action de bras de levier, pour augmenter le bras de levier, pour améliorer la puissance des muscles. Augmenter la palette pour augmenter la potence de vos muscles. Toujours pour économiser l'énergie. Siempre para ahorrar energía. Alors, on a un petit muscle au niveau du genou qui est très important. Tenemos un músculo a nivel de la rodilla pequeño que es muy importante. Donc, on ne parle pas beaucoup. Et no hablamos mucho de eso. Que le muscle peut goûter. Es el músculo complicado. Donc ce muscle a une particularité. Et ce muscle tiene una particularidad. C'est que c'est déjà le seul muscle postérieur au niveau du genou. Il va être en noir oculaire. Et c'est l'unique muscle postérieur au niveau de la rodilla qui va être monoarticulaire. D'accord. Il a une origine, alors vous vous souvenez ce qu'on disait sur les muscles toniques et les muscles phasiques. Vous acordáis de lo que decíamos de los músculos tónicos y de los músculos fásicos? Et que les muscles toniques étaient des muscles qui étaient profonds. Que los músculos tónicos eran músculos profundos. Qui avaient une orientation qui était plutôt axiale. Que tenía una orientación más bien axial. Mais qui était surtout onico-articulaire. Y que usaba muy pocas articulaciones, onico-articulares. Listos. Sí. Okay. Que eran los que trabajaban, que llegaban a trabajar poco. Que ce muscle a une origine fémorale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de sa terminaison, il est intra-articulaire, il rentre dans l'articulation du genou. Il a une origine fémorale, et ce qui est intéressant, c'est que sa termination est intra-articulaire. Ah, il envoie une expansion sur le ménisque. Et il y a une extension de sa termination et le ménisque. Ménisque externe. Externe. Donc, ménisque latéral. Voilà, le voilà ce complété. Donc, on voit au niveau de son action, comme il est en arrière du genou. C'est un muscle qui a une action de fléchisseur. Alors, ce n'est pas un muscle qu'on utilise beaucoup pour la flexion du genou. Es un músculo que usamos mucho para la flexión de la rodilla. Parce qu'on en a qui sont beaucoup plus puissants pour ça. Porque tenemos otros que son mucho más potentes para hacer esto. Par contre, c'est un muscle qui va assister le genou quand il va falloir un mouvement d'extension. Pero es un músculo que va a asistir a la rodilla cuando va a tener que limitar la extensión. D'accord. Donc il va avoir une action, il va avoir tendance à assister le solaire. Va a tener una tendencia a asistir al solio. Parce qu'il va être sollicité lorsqu'on va être trop intervenu. Porque va a estar solicitado cuando vamos a estar demasiado. Alors, il y a une action qui est intéressante, c'est que c'est un muscle qui va faire une rotation externe au niveau de la cuisse, du fémur. Tiene una acción interesante porque es un músculo que va a hacer una. Rotation externe du fémur. Qui va faire une rotation externe del fémur. D'accord. Donc là, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit par rapport à la marche, lorsque le pied vient en appui, le fémur se met en rotation interne. Et respecto à la marche, quand le pied vient en appui, le fémur va venir en rotation interne. Quand on appuie, nous avons une rotation interne del fémur. De fémur. Donc ça veut dire que le popliteé va être un muscle qui va justement lutter contre cette rotation interne. Entonces el popliteo, el músculo eso, va a ir luchando en contra de esa rotación interna que se hace en cuanto el pie apoya. D'accord, donc il va avoir un rôle dans la stabilisation du genou. Va a tener un rol en la estabilidad de las rodillas. D'accord, donc là on le voit ce muscle. Aquí vemos el músculo. Donc, par rapport à son orientation. Donc la partie externe est là, la partie interne est ici. Est-ce la partie externe, interne et la partie externe. Donc on voit que par rapport à son orientation, si on décompose en vecteur. Si respecto à son orientation, si décomponemos eso en vectores, on voit qu'il a une action verticale et qu'il a une action aussi horizontale. Il y a une action verticale et une action horizontale. Oui, la tendance en fait à tracter vers l'extérieur. Tiene tendencia a tirar hacia el exterior. Ce qui pour nous est intéressant puisque le maximum de contrainte va se faire à l'intérieur. A nosotros es interesante que tire hacia el exterior porque el máximo de fuerza se va a hacer en el interior. Donc les douleurs que l'on peut avoir au niveau du genou, souvent vont aller en fait des douleurs, des algies au niveau capsulo-ligamentaire. Va a ser algias al nivel de algias al nivel de las capsulas. Jusque lorsque le genou vient se mettre en extension. Porque cuando la rodilla se pone en extensión, ça va mettre en tension la capsule articulaire. Va a poner en tensión lo que es la cápsula articular. Les ligaments latéraux. Los ligamentos laterales. D'accord. Et les croisés, surtout le postéron interne. Y los cruzados, sobre todo el postéron interno. D'accord. Et lorsque on a ce mouvement de rotation du fémur par rapport à la jambe. Cuando tenemos una rotación del fémur respecto a la pierna, ça va surtout solliciter les ligaments latéraux. Va sobre todo solicitar a los ligamentos laterales. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que dès que vous allez avoir la moindre dysfonction au niveau du pied, ¿qué significa esto? Que cuando tengamos la más mínima disfunción a nivel del pie, qui vont entraîner des contraintes au niveau du genou, que van a dar problemas. Sí, problèmes à niveau de la rodilla, on va très vite se retrouver avec des douleurs au niveau ligamentaire. Vamos a encontrarnos rápidamente con dolores a nivel ligamentar. Donc le genou, il est un souvenir à mettre en train. Ça, ça doit faire partie de notre interrogatoire. La rodilla está sometida a muchas fuerzas. Lorsque vous montez les escaliers, le genou subit une contrainte équivalente à deux fois le poids de votre corps. Cuando subimos escalera, la rodilla tiene, cuando se repercute en la rodilla, dos veces el peso del cuerpo. Quand vous descendez les escaliers, le genou subit une contrainte qui est égale à sept fois le poids du corps. Y cuando bajamos las escaleras, la fuerza se multiplica por siete respecto al peso del cuerpo. Voilà. Au niveau de l'interrogatoire, quand vous avez des gens qui ont des douleurs de genoux, ils vont souvent vous dire qu'ils ont mal au genou quand ils descendent les escaliers. Eso. Cuando preguntáis a vuestro paciente, la gente que tiene dolor de rodilla siempre dirá que tiene dolor de rodilla bajando las escaleras. Parce que c'est là justement où le genou subit le plus de dolor. Cuando la rodilla tiene más fuerzas aplicadas. Donc ce qui va être à l'origine, entre autres, des douleurs au niveau du genou, ça va être l'épine irritative de la cuisse plantaire. Lo que va ser à l'origine du dolor en la rodilla va ser también la épine irritativa du cuello plantaire. Ça c'est une étude qu'a fait Orengo en 2000. Es un estudio de Orengo en 2000. Où il a montré en fait que par rapport aux patients qui suivaient, donc 37 patients de 16 à 40 ans, que ha demostrado que siguiendo 37 pacientes con la edad de entre 16 y 40 años, d'accord, on trouvait souvent à la palpation des douleurs que encontrábamos muchas veces a la palpación. Donc chez les patients qui ont des fièvres d'infibitus, en supinatus, pardon. Pour los pacientes que tienen los pies en supinación, voilà, avant-pied en supination. Que tenía el antepied en supination. Encontrado en todos que tenían dolores. Voilà. Ces abdominaux externes. Et bien, chez ces patients-là, on va trouver à la palpation des douleurs au niveau du cisabouïde externe et du tibia postérieur. Entonces, encontramos la palpación dolores en el cisabouïde externo y en el tibial posterior. Alors le tibial postérieur, on voit pourquoi, parce que bah, c'est lui qui va tracter pour mettre le pied en supination pour éviter de venir appuyer sur les pieds irritatifs. Le tibial postérieur, il y a vraiment le porqué, porque va poner, va forcer, va poner le pied en supination, va éviter de appuyer en la épine irritative. Par rapport toujours aux douleurs, il s'est rendu compte que lorsqu'on prenait des patients qui avaient des pathologies traumatiques au niveau du genou. Donc 20 patients présentant des lésions au niveau méniscal et ligamentaire au niveau du genou. Sur ces 20 patients, par rapport à son étude, il y en avait 4 qui avaient des cisanos, qui avaient des épines irritatives de la cuisse plantaire. Donc, de esos 20, il y avait 4 qui avaient un dolor de. C'est-à-dire que si on se base sur cette étude, on pourrait dire que 20% des gens qui se blessent au niveau du genou. Si nous basons en ce studio, podemos decir que 20% de las personas que se hieren la rodilla, en fait, se blessent parce qu'ils ont des épines irritatives de la cuisse plantaire. Se van haciendo heridas porque tienen problemas de épines irritatives de la cuisse plantaire. Ça, c'est ce qu'il ressort par rapport à son étude. C'est peut-être certainement plus au niveau des pathologies de son genou, mais là, déjà, 20%, c'est pas négligeable. Et quizás sea más, quizás sea más que esto, pero el estudio demostró 20%. Alors, ça, c'est un concept qui est très intéressant. Pourquoi, en fait, on se retrouve avec des gonalgies lorsqu'on est dans une petite habitude plantaire? Pourquoi nous rencontrons con gonalgias quand tenemos épine irritative d'appui plantaire? Donc, lorsque le pied vient d'appui, quand le pied vient à l'appui, on a une pulse valgisante au niveau du pied. Tenemos un empuje valgisante à niveau du pied. D'accord. On a une rotation interne au niveau tibia. Tenemos una rotación interna a nivel de la tibia. On a une rotation interne qui se fait au niveau du fémur. Y tenemos también una rotación interna a nivel del fémur. le fait d'avoir l'ensemble de la, du membre inférieur qui se met en rotation interne avec la boule plantaire qui se met dans l'agus. El hecho de tener el miembro inferior que se pone en rotación interna con un valgus de pie. Donc ça fait un mouvement en fait de torsion de tout l'ensemble du membre inférieur. Un movimiento de torsión del miembro inferior. Donc qui va en fait générer une énergie cinétique. Et va générer une énergie cinétique. Et donc en fait, comme le pied a cette capacité de s'écraser et de se redresser, donc Como el pie tiene esa capacidad de moverse y volver a su posición, d'accord. Le mouvement de pronation puis de supination au niveau du pied fait en fait un effet de ressort, d'accord, par torsion. Pues ese efecto de cuando el pie se va realizando y vuelve a su posición, entonces pronación, supinación, tiene un efecto de muelle. D'accord. C'est-à-dire qu'au niveau du membre inférieur, vous avez trois amortisseurs naturels. A nivel del miembro inferior tenemos tres amortiguadores naturales. Vous avez la hanche. Tenemos la cadera. D'accord. Vous avez le genou. La rodilla. Et vous avez le pied. En gros, la voûte plantaire. El pie con la, l'arco plantar. D'accord. Et donc justement cette possibilité qu'a ce pied de s'écraser et de reprendre sa forme. Esa, justamente esa posibilidad que tiene el pie de hundirse y volver a recuperar su, forma. Permet d'amortir en fait cette rotation interne qui vient au niveau du membre inférieur. Permite de amortizar la rotación interna que se hace a nivel del miembro inferior. Et restituer l'énergie dans l'autre sens. Y restituir la energía para otro lado. D'accord. Maintenant, si vous avez une épine irritative d'appui plantaire. Ahora, si tiene una espina irritativa de apoyo plantar. Déjà, le mouvement de valgisation au niveau du pied ne va plus se faire. L'empuje valgisante a nivel del pie no se va a hacer. D'accord, parce que vous avez une épine irritative d'appui plantaire, vous allez mettre le pied en supination. Por la espina irritativa tenemos el pie en supinación. D'accord, si vous mettez le pied en supination, vous faites une rotation externe au niveau de la jambe. Si tenemos el pie en supinación, hacemos una rotación externa a nivel de la pierna. D'accord. Au moment de la prise d'appui du pied au sol, on a le fémur qui va en rotation interne et le tibia qui va tibia et pied qui eux vont partir en rotation externe. Cuando vamos a hacer el empuje valgisante, cuando vamos a ir apoyando en el pie, vamos a tener la rotación interna del fémur que se hace, pero no se va a hacer la rotación interna y el empuje valgisante a nivel del pie. Entonces al contrario, tenemos una rotación interna del fémur y una rotación externa del tibia. D'accord. Donc ce qui fait que cet effet d'amorti qu'il va y avoir au niveau du pied n'existe plus. Ya, el efecto amortiguador que había a nivel del pie ya no existe. Donc comme le pied n'amortit plus, en fait les contraintes où est-ce qu'elles vont s'exercer, ça va être au niveau du genou. Como el pie ya no amortigua, las fuerzas se van a realizar a nivel de la rodilla. Sauf que le genou n'est pas prévu pour ça. Solo que la rodilla no está prevista para eso. Le genou est prévu pour amortir avec des mouvements de flexion, d'extension. La rodilla está prevista para amortiguar el movimiento de flexión y extensión. Mais il n'est pas prévu pour amortir avec des mouvements de torsion. Pero no está previsto para amortiguar el movimiento de torsión. D'accord. Et quand vous marchez, quand le pied arrive au contact du sol, vous ne marchez pas avec les genoux fléchis. Cuando vamos andando, no tenemos, cuando el pie entra en contacto con el suelo, no tenemos la rodilla flexionada. Donc ça veut dire que le genou ben, va se prendre un choc à chaque fois. C'est-à-dire que la rodilla va tenir un choc à chaque fois. Et là où ça va entraîner le plus de contraintes d'écrasement au niveau du genou. Et donde va atraer la más fuerzas à niveau de la rodilla. Ça va être au niveau du ménisque interne. Va ser à niveau du ménisque interne. Et vous verrez que quand vous avez ces problèmes de pied, que vous avez des gens qui viennent pour des donations. Cuando tenéis esos problemas de pie y que la gente viene para donar pies. La plupart du temps, c'est le ménisque interne qui est un crédit, qui fait mal. La mayor parte del tiempo es el menisco interno que está doloroso. Les fissurations du ménisque, c'est la plupart du temps le ménisque interne. Las fisuras del menisco, la mayor parte del tiempo, son del menisco interno. D'accord. Et l'origine, entre autres, de ces problèmes méniscaux, c'est l'épine irritative de l'appui plantaire. Y la origen de esos problemas meniscales es la espina irritativa. Là, bien sûr, on parle du genou en dehors du traumatisme direct sur le genou. Hein. Ahí hablamos de la rodilla, pero fuera del traumatismo directo en la rodilla, ¿vale? Là, on est sur la pathologie fonctionnelle au niveau du genou. Es patología funcional. Qui, si elle persiste, va entraîner une pathologie organique, type fissuration du ménisque, par exemple. Que si sigue la patología funcional, va desarrollarse una patología organique. Organique. Tipo fissura del ménisque. Est-ce que c'est bon pour vous cette notion de torsion au niveau du pied et du genou? La veillette est bien le thème de la torsion et à l'île de la rodilla. Entonces, entonces puede ser que el zapato que es toda una cuña no deja hacer ese movimiento de que se hunda el arco y por eso provoca tantos problemas de rodilla. ¿Qué llama cuña? ¿Como un arco? Una suela corrida. Que no tiene el tacón y la parte delantera separados, sino que es todo seguido. Que hace como un triángulo la suela, que no tiene forma en el medio pie. ¿Y tú dices que es esa? Bueno, pregunto si es por la misma razón, porque se supone... ¿Eh? No. Que me preguntas si ese tipo de zapato impide el empuje palizante. Claro, quiero decir que entonces eso es lo que fundamenta, que este tipo de zapato... de problemas a nivel de rodilla porque no les deja flexionar. A ver. Quiero decir... El tacón tiene un efecto balizante sobre el pie, entonces sí que lucha contra el empuje balizante. Par contre, le talon, s'il est trop haut, va entraîner une marche avec les genoux en face. En cambio, un tacón demasiado alto va a llevar a que andemos con la rodilla ligeramente flexionada. Et si on a un genou qui reste en flexion tout le temps, si tenemos la rodilla flexionada siempre, on va avoir en fait une patella qui va être en permanence collée contre la trochée. Vamos a tener siempre una rótula pegada al fémur. Et donc dans ces cas-là, on va plutôt développer un syndrome fémoro-patellaire. Y vamos a desarrollar un síndrome fémoro rotular. Donc ça va donner aussi. Donc ça va donner aussi une douleur de genou, mais qui ne va pas être la même. Il va faire une douleur de rodilla, mais qui ne va pas être la même que la que nous pouvons rencontrer ici. Donc là, sur ces problèmes-là, on va plus se retrouver avec des douleurs soit au niveau ligamentaire, soit au niveau méniscal. Aquí tendremos más dolores a nivel ligamental o meniscales. D'accord. Alors après, si effectivement on a des grosses déviations au niveau du genou, on peut avoir des luxations de rotule, mais on est vraiment dans le cas extrême. Si tenemos... On va avoir des problèmes de luxation aussi. Podemos tener, si hay déviations grandes, podemos tener problemas de luxación de rotula. Voilà, mais là c'est dans ces cas-là qu'on a une rotule qui est mal formée, dans un problème de crâne. Ya también si hay pulsaciones de rótula se ve que la rótula está deformada también. Porque está sometida a fuerza que es que antes del descanso lo tenía todo claro. ¿Pregunta? Pero ya esto ya no sé de qué va. En este caso no habría más formación, además no aguijaría más el pie en apoyo, va a aguijar más, forma más, ¿no? Hay más rotación interna dentro de la pierna, no hay más rotación externa, hay mayor rotación interna. Le pied va plus en pronation et donc il y a une rotation interne. Alors, il y a énorme rotation externe. Oui, alors, lorsqu'on a une épine irritative de plantaire, tout dépend du type de pied qu'on a. Quand on a une épine irritative de plantaire, ça peut déterminer le type de pied qu'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un pied qui est réactif ou un pied qui ne l'est pas? Si on a un pied réactif ou un pied qui n'est pas réactif. Si on a un pied qui est réactif, il va de lui-même venir se mettre en supination. Si tenemos un pie reactivo, él va a tener mismo ponerse en su pie. Si tenemos un pie que no es reactivo, lo que es un pie valgo orgánico, es un pie que va completamente s'effondrer en devant. Es un pie que se va a hundir por completo hacia adentro. Dans ces cas-là, ce pied-là lui va entraîner d'autres problèmes parce qu'en fait, il va entraîner des gros problèmes de stabilité sur l'ensemble du corps. Parce qu'on ne tient pas sur un pied. Este pied va a traer problemas. Des problèmes de stabilité globale. Va a dar problemas de estabilidad global porque no podemos estar en un solo pied. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à tenir en équilibre sur un pied. Es alguien que no puede mantenerse en equilibrio en un solo pied. Donc ça veut dire que lui, dans ces cas-là, il va s'équilibrer de manière différente. Elle va équilibrer de forme distincte. Il va même, la plupart du temps, utiliser son dos pour venir s'équilibrer quand il marche. Il va usar su espalda para equilibrarse cuando va andando. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui va plutôt déclencher des douleurs beaucoup plus hautes que des douleurs au niveau du genou. Es alguien que va tener dolores mucho más alto que, bueno, más alto que la rodilla. Vale, va a ir hacia la espalda. Ou si celui-là il a des problèmes au niveau du genou, ce patient-là, quelqu'un qui a un patient qui a des problèmes à niveau de la rodilla, on va plutôt être sur des douleurs du compartiment interne au niveau ligamentaire. On va estar en dolores de compartimento interno a nivel ligamentario. Parce que là on est dans le cas où on a un patient qui a le pied qui s'effondre, le genou qui part au dedans ici. Ok, ahí tenemos un caso de el pie qui se hunde, pero la rodilla también se va para dentro. Donc là, on ne se pose plus de questions est-ce que ça tourne ou est-ce que ça ne tourne pas, parce qu'on a des grosses déviations dans le corps. Entonces, ahí nos preguntamos si rota o no rota, ¿vale? Porque tenemos déviaciones grandes en el plano frontal. Ya no estamos así, estamos manejando. Donc lui, il va avoir d'autres problèmes. Elle va tener otros problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Más preguntas. Ok, ben là ça va bien. Voilà. Donc au niveau clinique, hein. Donc on a des petits tests au niveau du genou, des tests antidynamiques. À niveau de l'exploration clinique, un tellement un test pequeño. Donc là la photo elle est pas bonne. La photo non est buena. Ça c'est une photo pour tester quoi? Cette photo c'est pas faire un test pequeño. ¿Qué hacemos con ese test? La cadena. Pelvis. La hanche. La hanche. La hanche. D'accord. Donc ça veut dire que le test qu'on va pouvoir utiliser pour le genou, ça va être le même test, sauf que le patient va être debout comme ça. Et pour la rodilla, on va faire le même test. Vale. Le patient va être de pied. Et en vez de tenir. C'est-à-dire qu'il va être son dos. En vez de tenir la rodilla en alto, elle va tenir la même altura. Et donc dans ces cas-là, on va demander au patient de faire flexion-extension. Et quand nous sommes là, en cette position, on va dire au patient de faire la flexion-extension de la rodilla. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire, d'abord, le patient, on appuie sur un pied. Primero, el paciente lo ponemos en apoyo en un pie. On lui demande de faire une petite flexion du genou. Le preguntamos que le decimos que haga una pequeña flexion de la rodilla. Et là, on observe ce qui se passe au niveau du genou. Y observamos lo que pasa a nivel de la rodilla. Est-ce que le genou est stable? Miramos si la rodilla es estable. Donc, est-ce que le genou tient ou est-ce que le genou va avoir tendance à bouger dans tous les sens? Si la rodilla se queda en su sitio o si la rodilla va bailando de un lado a otro. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir observer. Esas son cosas que tenemos que observar. On peut regarder aussi s'il y a des limitations au niveau de la flexion du genou en question. Podemos ver si hay limitaciones en flexiones en la rodilla, testando una rodilla con la otra. Respecto a la otra. Et maintenant, si on a un patient qui vient nous voir pour des douleurs type syndrome du TFL. Si il y a un patient qui vient à l'heure, non pas douleur, mais type. Ça, c'est le patient qui va me dire, voilà, quand je fais de la course à pied, j'ai ma boucle de 15 minutes de course. Es un paciente que le va decir que cuando va corriendo unos 15 minutos, ya empiece a tener dolores en la parte externa de la rodilla. D'accord, et c'est la douleur à chaque fois, elle revient au bout de 15 minutes de course. Y cada vez la dolor, el dolor vuelve al cabo de 15 minutos de carrera. Et lui, quand il vient vous voir, ben, il n'a pas mal au genou, parce qu'il n'a pas de problème. Hein. Y cuando él viene a consulta, no le duele la rodilla porque él no ha hecho carrera antes. Donc là, dans ces cas-là, vous allez mettre en appui sur un pied, donc du côté du genou douloureux. En esos casos, lo ponemos en apoyo en un pied de lado de la rodilla dolorosa. Et vous allez lui demander de faire des flexions extensions du genou. Y le pedimos que haga flexion extension de la rodilla. Voilà, il n'est pas obligé de faire beaucoup de flexion. 30 degrés de flexion, c'est suffisant. No es obligatorio que haga mucha flexión. Con 30 grados de flexión que haga, es suficiente. Voilà, et vous, vous le faites fléchir et vous allez voir au bout d'un moment, très vite, la douleur va apparaître au niveau du TFL. Le hacer repetir esa flexión y ya veréis que al cabo de bastante rápido va a llegar el dolor al nivel de TFL, del sol de facial. D'accord, donc ça, ça vous permet de recréer la douleur en cabinet. Eso permite recrear el dolor en la consulta. Donc c'est ce qu'on appelle le test de Rennes. Se llama el test de Rennes. Ok. Donc là, dans ces cas-là, alors il y a le test, bien le test de Rennes. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir palper en fait cette ganglion de l'occipital. En este caso, vamos a palpar la parte superior. Vamos a palpar la cintilla y los pies. Vamos a recoger a 2-3 centímetros sobre la intermedia articular. Vamos a encontrar a 3 centímetros por encima de la intermedia articular. Et qu'on va retrouver en fait lorsqu'on va mettre le genou à 90 degrés. Quand on met la rodilla à 90 degrés, on appuie donc sur la zone qui est douloureuse. On appuie sur la zone qui est douloureuse. On appuie sur la zone qui est douloureuse. On appuie sur la zone qui est douloureuse. D'accord, donc là, en mettant le genou à 90 degrés, lorsqu'on vient palper, on va trouver la zone qui fait mal. Quand on met la rodilla à 90 degrés, on va palper et on va encontrer la zone douloureuse. D'accord. Et tout en gardant la pression en fait, au niveau ligamentaire, on va faire une extension du genou. Et maintenant, la pression à niveau ligamentaire, où duele, on va faire une extension de la rodilla. D'accord. Et là, on va avoir une douleur qui va apparaître, qui est beaucoup plus vive, qui augmente, qui est beaucoup plus vive aux alentours de 30 degrés. Y haciendo esto, vamos a volver a encontrar el dolor y el dolor va a ir aumentando cuando nos vamos a acercar a los 30 grados de flexión. Entonces los dos campos de ADN como el noble son para la gente de la vida. Es decir, pues si los test son como los dos. Test, cuando le dan fotografía, es por encima de la intermedia. Sí, 3 centímetros por encima de la intermedia. C'est à peu près de 3 centimètres. Au-dessus. Au-dessus. Au-dessus du genou. Au-dessus. Aquí tenéis que cambiar. No es abajo, es arriba. 3 centímetros por encima. Arriba de la línea. De la interlínea articular. Donc, ça va être quoi comme traitement pour ça? ¿Cuál va a ser el tratamiento para eso? Un EMI. Hay mucha suerte que funcione bien el EMI. Un EMI. C'est que quand vous allez mettre le plan d'appareillage, vous allez déterminer le déparasitage, la remédiation, vous allez mettre tous les éléments. Pendant ce test, vous mettez le patient à la clinique là. Volvemos a poner al paciente en apoyo corporal. et vous lui faites faire de nouveau flexion extension. Et volvemos a hacer la flexión extensión de la rodilla. Et si votre traitement est bon, votre patient ne fait pas. Si el tratamiento es bueno, el paciente ya no siente dolor. C'est immédiat. Es inmediato. C'est-à-dire que pour celui qui fait de la course à pied, à partir du moment où il a ses semaines de son premier footing, il a tout dit. Para el que hace, que va a correr, cuando ya le volvemos a poner la plantilla, el tratamiento es bueno, cuando vuelve a correr, no le duele. Tiene que ser el EMI de 3 milímetros, porque no es un... Tiene que ser el EMI hasta 3 milímetros, porque no es un problema... Alors, en micro épaisseur, c'est ce que vous avez testé, mais en général, on va être sur 2-3 mm. Mais peut-être qu'il faudrait plus. De toute façon, c'est le test de rêve qui va pouvoir vous permettre de déterminer la hauteur. Et le grosseur, vous avez que déterminer, mais vous souhaitez faire de 2 ou 3 mm, et puis, en faisant les tests, pour chercher le test de rêve. Oui, et le. Y se busca la altura del elemento también haciendo el test de tempo. Cuando lo va poniendo, haciendo flexión. Lo mismo, metiendo un milímetro, ya no le duele nada. Le quita un milímetro y ya le duele. O sea que, digamos que podríamos tratarlo como un problema orgánico, digamos. Si nos pidiera, realmente a partir de tesis lo estamos tratando como si fuera orgánico, ¿no? No, es un problema funcional, no es orgánico. A pesar de que te pases de los 3. De la altura, dice. Uh-huh. A pesar que pasamos de la altura de 3 milímetros. El tipo de expresión de paso de 3 milímetros a la dimensión de organismo. No, esas son nociones que nos dan aproximativas, que nos dan por una vez. Esas son nociones aproximativas. Oui, et puis donc, une notion de hauteur, c'est ce qu'on a trouvé comme action. Cigüeña. Test du héron. Non, ça commence. La cigüeña. Lorsque l'on en appuie sur un pied, on appuie Nicolas. Cuando estamos en apoyo o Nicolas en un pie. Et que l'on fait une flexion de genoux et de hanche, on demande à notre patient de faire une flexion du membre inférieur. Il est décidé au patient qu'il y a une flexion des rodillas et des cadères. Voilà, on doit être capable, en étant sur un pied, de fléchir en gardant le bassin qui est toujours dans le même plan. Cuando estamos en frontal, le bassin est en frontal. Cuando estamos en unipolar y que va y bajamos en flexión de rodilla, tenemos que mantener la pelvis. Il reste dans le même plan. En el mismo plano frontal. D'accord. Lorsqu'on a une dysfonction au niveau de la coxo, cuando tenemos una dysfonction a nivel de la coxo fémorale, le fait de faire la flexion va s'accompagner en fait d'un mouvement de rotation. El hecho de hacer una flexión va acompañarse de una rotación. Donc quand on teste du héron, vous avez votre patient qui, en même temps qu'il descend, à son bassin qui tourne. Cuando hacemos el test de Héron y cuando al mismo tiempo que va bajando, se ve que tiene la pelvis que va girando. D'accord. Vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être une dysfonction au niveau de la coxo fémorale. Podemos pensar que hay una disfunción a nivel de la coxo femoral. Garza. Héron, garza. ¿Eh? Garza. El animal. Héron. Garza. Donc pour ce test. Cuando bajamos, vemos que al bajar tenemos una rotación de la pelvis, ¿vale? Podemos sospechar una disfunción de la coxo femoral. ¿De qué lado? Rotación. Normalmente, instabilidad. No compliquen más. La rotación. Cuando bajamos, has tirado algo. No, no, no, no. No hay ningún problema. Tengo garras. Si lo hacemos y vemos que la pelvis hay una rotación, es que hay un problema, una disfunción en la cadera. ¿Vale? Y ponemos cule. La cabeza. Ponemos la que está cortando. Nos vamos segundos, lo escucho. Donc ça veut dire que le patient est debout, on appuie sur un pied, le praticien vient se mettre derrière. Le patient est de pied appuyé en un solo pied et le thérapeute se pone detrás. D'accord, les pouces au niveau des épines postérieures supérieures. Le pulgare à niveau de la spina iliaca postérieure supérieure. Et donc on va demander à notre patient de faire une flexion et on va observer ce qui se passe au niveau du bassin. Le dimos al paciente que haga una flexión de rodilla y vemos y observamos lo que pasa a nivel de la rodilla. D'accord. Donc ça c'est le test debout. Vous avez un autre test que vous pouvez faire allongé. Tenemos otro test que se puede hacer tumbado. C'est le test du double flexion au niveau du membre inférieur. C'est le test de double flexion à niveau du membre inférieur. Si toutefois le test des physiologies qu'on va voir, le talon qui va venir en regard de la tuberose initiatique. Si el test es fisiológico, cuando hacemos esa doble flexión, tendremos el talón que va a venir a chocar con la tuberosidad esquiática. Si on a un problème au niveau de la coxo fémorale, si tenemos un problema a nivel de la coxo fémorale, le test de flexion va s'accompagner d'une rotation au niveau de la coxo fémorale. El test de doble flexión se va a acompañar de una rotación, de la coxo fémorale. Et donc de ce fait, le talon ne va pas venir en regard de la tuberosité. Et donc, de hecho, el talón ahí no va a venir a chocar contra la tuberosité ischiática. Donc il va venir soit en dedans, soit en dehors. O va a ir afuera, o va a ir adentro. D'accord. A ver. ¿Puede ir por esa parte? Sí. ¿Está cuándo es? Cuando es fisiológico, el talón va a chocar contra la tuberosidad isquiática, ¿vale? Si es afisiológico. Y cuando es afisiológico, o sea que hay una disfunción de cadera, vemos que el talón no va contra, viene hacia adentro, ¿vale? O aquí, hacia afuera. O sea, que no viene a chocar aquí. ¿Vale? Eso es el signo de una disfunción del costo femoral. Ah, parce qu'il y a une rotation qui se met en place au niveau de la coxo fémorale. Il y a une rotation qui se fait à niveau de la coxo fémorale. Le lacet, oui. Très bien. Donc le lacet. Donc le lacet du genou. Le lacet de la rodille. C'est un test qui va vous permettre de voir est-ce que vous avez une dysfonction au niveau de l'hémisphère. Eso permite de ver si tenemos una disfunción al nivel de los meniscos. Si vous avez une disfunción au niveau meniscal, si tenemos una disfunción al nivel meniscal, vous allez avoir une limitation en fait de l'hyperextension du genou. Vamos a tener una limitación de la hyperextensión de la rodilla. Voire même, vous pouvez avoir des genoux qui sont légèrement flexionnés. Dolor a la hyperextensión. Incluso podemos tener rodilla ligeramente en flexión. Parce que les ménisques, en fait, avec les mouvements de flexion et extension, vont avancer et reculer. Parce que les ménisques, pour un mouvement de flexion et extension, va avancer et reculer. D'accord. Donc, ils se doivent être en permanence mobile. Siempre son mobiles. Et si vous avez des contraintes qui s'exercent toujours dans le même sens, vous pouvez avoir, et c'est souvent ce qui arrive au niveau du ménisque interne, avoir le ménisque qui avance et qui reste bloqué en avant. Si la fuerza siempre va en el mismo sentido, el ménisque. Se puede el menisco interno, muchas veces el menisco interno se va siempre para adelante y se queda bloqueado. Y parce que le menisco avance y bloqueado en avant, bah, il limite en fait l'hyperextension du genou. Y como el menisco está bloqueado en la parte anterior de la rodilla, limita la extensión de la rodilla. Se queda adelante y entonces no puede extender la rodilla del todo. ¿Entendido? ¿Preguntas? Donc au niveau du traitement, à niveau du traitement, on va être sur des mouvements de dysfonction ou pathologie fonctionnelle, on va être sur des mouvements de 1 à 3 minutes. Là, on est en pathologie fonctionnelle, donc nous avons des éléments de 1 à 3 minutes. L'élément va être l'élément des durs internes. Et l'élément va être l'élément. Parce que pourquoi? Ben parce que c'est pendant la phase plantigrade que le genou se trouve plus Porque es cuando pasamos por la fase plantigrada que la rodilla tiene más fuerzas. Donc le MI, voilà, le MI est l'élément qui va stabiliser la phase plantigrade. Entonces el MI es el elemento que va a estabilizar la fase plantigrada de la rodilla. D'accord, donc c'est lui qui va agir sur le genou. Es el que va a actuar sobre la rodilla. Donc ça c'est une étude qui a été faite par un résident enseignant, Thierry Barroyer, qui montre en fait qu'avec un EMI. C'est un étude qui a été faite par un professeur Meaki, le Royer Thierry, qui enseigne que quand on a un EMI. Et bien avec un EMI, on diminue l'ondulation au niveau du genou. Et quand on a un EMI, diminuons l'angulation au niveau de la rodilla. Alors on est sur l'angulation externe. L'angulation externe. Donc vous voyez que plus l'angle est grand, et plus le fémur est dans la rectitude par rapport au tibia. Más el ángulo es grande, más el fémur está en el nivel de la tibia. Plus l'angle est petit, et plus ça veut dire que le genou en fait a un déséquilibre en interne. Más el ángulo es pequeño, más la rodilla tiene un desequilibrio importante en interno. Donc il montre très bien. Donc là en fait, comment on gère cette courbe? Comment vous allez à sa courbe? Vous avez le même sujet, hein. Chaque point représente un sujet. Cada punto representa un sujet, c'est deux sujets différents. Ah non, ça c'est chaque point représente un sujet. La PIB. Là, c'est chaque sujet. Oui, chaque point représente un sujet. Cada punto representa un sujet. Et donc, en bleu, c'est quand il court sans la sèvre, sans le bruit. Et en rouge, c'est quand il court avec le bruit. En azul, c'est quand il va corriendo sin el EMI. Y en rojo, c'est quand il va corriendo con el EMI. Et donc, on voit à chaque fois qu'il y a le EMI, l'ondulation est moins importante avec le EMI, avec que sans le EMI. Moins importante avec le EMI que sans le EMI. Et plus simple avec le EMI. Entonces se ve que cuando hay un EMI, el ángulo es siempre más importante que cuando no hay moins de déviation interne avec le EMI que sans le EMI. Si el ángulo es más grande, hay menos fuerzas en la rodilla y la rodilla es más estable. Et donc, lorsqu'on a une dysfonction organique, on a tenu la dysfonction organique. Donc, c'est quoi une dysfonction organique? C'est une altération des structures du tissu. Quand on a une dysfonction organique, c'est une altération de la structure du tissu. En gros, une dysfonction organique, c'est quoi? C'est une dysfonction qui se voit là. C'est une dysfonction organique, c'est algo que se ve à la radiographie. La chose, c'est une dysfonction organique. Arthrosis es una disfunción orgánica. Donc lorsque l'on est face à une dysfonction organique, cuando estamos frente a la disfunción orgánica, on va utiliser des éléments, mais on va utiliser des éléments qui vont être beaucoup plus élevés. Cuando tenemos una disfunción orgánica, vamos a usar elementos, pero vamos a usar elementos mucho más gruesos. D'accord? Donc les éléments que vous avez donnés restent les mêmes. Los componentes, los elementos son los mismos. Mais par contre, c'est l'épaisseur qui change. Ouais, une douleur de genou à la course, on est sur une pathologie fonctionnelle. Une douleur de rodilla, quand on va en rodilla, en fait, c'est une cintilla iliotibiale. On est sur une pathologie fonctionnelle. D'accord, donc c'est pour ça qu'on est sur du 1 à 3 mm. Pour ça que estamos entre 1 et 3 mm pour les segmentos. Si on a une bonne arthrose, si tenemos arthrosis de la rodilla, on va utiliser le même EMI. Vamos a usar el mismo EMI. Mais par contre, on va être sur des hauteurs de 3 à 6 mm. Pero vamos a estar en la altura de 3 à 6 mm. La hauteur, on va pouvoir la déterminer par rapport à nos tests. La altura se determina respecto a nuestros tests. On peut la déterminer par rapport à la douleur ressentie en appui du coude. On devrait déterminarla. La emoción del elemento lo podemos determinar respecto al dolor que siente el paciente al apoyo unipodal. Que ce soit au niveau du genou comme au niveau de la hanche. Que sea a nivel de rodilla o a nivel de cadera. Pour la coxarthrose, on jouera sur l'épaisseur de l'élément posterior interne. Para la coxarthrose. Para la coxarthrosis, jugaremos con la altura del elemento posterior interno. Alors, qui va être entre 3 et 6 mm. Entre 3 et 6 mm. Comment? Posterior interno. Para la coxarthrosis, posterior interno. Donc, c'est un élément qui va être ici. D'accord? Qui va être postérieur. Puisque la hanche subit une plus de contraintes, on est en phase périphérale. Porque la cadera, comme nous l'avons visto esta mañana, aguanta más fuerzas cuando empezamos a andar. ¿Vale? Cuando la pierna del talón viene a tocar al suelo. Pero esta mañana el elemento salía debajo de la superficie interna. ¿Ah, la superficie? No, la superficie. Pero era cuando estaba hablando de eso, porque me he quedado con él y digo, estaba aquí. Mañana, si fuera 10 minutos, tendremos una huella y en la huella os dibujará los componentes como se tienen que dibujar. Voilà. Son des diapos que ont été faits avec des éléments. Son diapositivas que se han hecho con componentes, lo podemos con información, no solo el lugar exacto, exacto. C'est ça. Et la taille de l'élément n'est pas adaptée en fait à l'empreinte. Y el tamaño del elemento no es adaptado tampoco al tamaño de la. Non, donc on verra ça demain. Donc vous retenez le genou et les membres de la terre. Vous tenez que apportez la rodilla. La hanche et les membres postérieurs internes. La pelvis, hanche, bassin, on est sur les éléments postérieurs. C'est-à-dire que si on met un squelette à côté du pied, plus on va être bas avec l'élément, et plus on va avoir une action basse au niveau du corps. D'accord. Alors, avec cadera, cadera, elémi la cadera, y elémi la cadera. Ici, voilà. Ici, là, on peut être sur la partie basse. Alors, je me mélange sur les différentes années. Au niveau du membre inférieur. Juste sur le membre inférieur. On ne se base pas sur le dos. D'accord. Juste sur le membre inférieur. Ici, on va être sur le bassin et la coxo. Esto va a ser la pelvis y la coxo femoral. D'accord. Ici, on va être sur le genou. Esto la rodilla. D'accord. Et ici, on va être une action beaucoup plus basse. Éventuellement, le AI va avoir une action sur la tibia tarsienne. Aquí vamos a tener una acción mucho más baja y puede ser que el TAI tenga una acción sobre la talocrural. ¿Tenéis un poquito de eso, no? Del esqueleto. Sí. Voilà. Pour pas vous embrouiller, au niveau du pied, là par rapport à l'action de vos éléments, vous basez sur ce qui se passe pendant la marche. Pas expliquer. Pas. Le talon correspond au bassin. Le talon correspond à la tête. Le genou correspond au médio pied. La rodilla correspond à médio pied. D'accord. Et effectivement, ça vous n'en parlez pas, mais je peux dire aussi que la rodilla correspond en fait à la tête. Podríamos decir que también el antepié corresponde a medio. Mais ça, on ne vous en parle pas parce que le pied, vous êtes censé le traiter avec la thérapie. Mais eso no hablamos porque se supone que el pied lo tratamos con terapia manual. De la talocrural hacia abajo lo tratamos con los tratamientos manuales. ¿Vale? Una pregunta. Pongamos que. Tenemos. Tenemos un eloma en cuarto metatarsiano, ¿no? Y se supone que es porque tenemos una IA de primero. ¿Cómo? ¿A qué alturas tenemos que poner? Tenemos un eloma aquí en el cuarto metatarsiano. En el cuarto, en el quinto, pero me da igual. Y aquí, pero no me tengo que saber qué decir. Sí, bien, bien, en el cuarto. En el cuarto, ¿no? Sí. Entonces, se supone que la espina irritativa es primero, ¿no? Sí, en el primer metatarsiano. Y entonces, ¿las alturas? ¿Cómo tienes que? Es que yo eso no entiendo muy bien. ¿Cómo tienes que distribuir las alturas? Él dice que si tú tienes un cuerpo a nivel del quinto metatarsiano, del quinto metatarsiano, del quinto metatarsiano, sobre la cabeza del quinto metatarsiano, y si tú tienes una espina irritativa a nivel del primer metatarsiano, ¿cómo tú calculas la altura? ¿Cómo tú distribuyes los elementos? Bah là, on est dans une situation où on a une dysfonction, enfin un trouble fonctionnel et un trouble organique sur le pied. Ahí estamos en una situación donde tenemos una disfunción funcional y un problema funcional y un problema orgánico en el mismo pie. L'épine irritative, un problème fonctionnel. La espina irritativa es un problema funcional. Y el eloma es un problema orgánico a nivel de la piel. Alors, après, pourquoi il y a un durillon sous la quatrième tête métatarsienne? Entonces, ¿por qué hay un eloma plantar debajo de la cabeza, de la cuarta cabeza metatarsial, por ejemplo? Porque es donde la espina irritativa, ¿has dicho, no? ¿Por qué tenemos ese problema? Porque estamos escapando de ese dolor. Parce qu'on est en train de s'échapper du. Voilà, parce qu'on a une supination de l'avant-pied, on ne peut pas appuyer sur la première tête. Porque tenemos una supinación del antepié, porque no queremos apoyar debajo de la primera cabeza. Donc ça veut dire que si on met un élément antéro interne qui neutralise l'équilibre de la première tête métatarsienne, significa que si ponemos un EAI debajo de la, para neutralizar la, la espina iritativa, ça veut dire qu'on va redonner plus de charge sur le premier élément. Vamos a volver a darle carga a la, al, al primer radio del pie, al primer metatarsiano. Donc on aura moins de contraintes sur la quatrième tête. Y tendremos mucho menos fuerza debajo de la cuarta, del cuarto metatarsiano. Et donc ça, ça va être un des traitements en fait du rayon. Y entonces ça ya tiene que ir bajando el eloma. Si maintenant ça c'est pas suffisant. ¿Lo has entendido? Sí. Sí, estaba siguiendo. Si c'est pas suffisant. Si no es suficiente, on peut rajouter un élément rétrocapital en regard de la quatrième tête métatarsienne. Si eso no es suficiente, tú puedes añadir un elemento rétrocapital detrás de la cuarta cabeza metatarsiana. Qui va être un petit peu plus épais. Que va estar un poquito más grueso. Qui va être en fait en gros à la forme d'une espèce de goutte d'eau. Que tiene forma de una gota de agua. Y luego va a avoir cette forme-là. El elemento tiene esa forma, ¿vale? Y va a être en regard du rayon. En arrière du rayon. Justo a la parte de atrás del eloma. De combien? Alors là, on peut être sur du 3 mm, du 4 mm. Alors, vous voyez, on ne voit pas en règle générale, mais on va tester, on peut être sur du 3, 4 mm. Ça, c'est à tester. Vous pouvez arriver à 3, à 4, vous tenez que testarlo et voir comment ça apparaît ou non. Se parece el eloma, claro. Ah, vale. Puede, si tú haces que el pie vuelque de nuevo, que vaya de nuevo a su sitio más fisiológico, tendrá menos apoyo aquí. Y si encima le pone un elemento retrocapital, va a ir quitando todavía más apoyo. Entonces se supone que el eloma tiene que tender a desaparecer. Y eso es lo que vamos a hacer por la segunda tercera, y eso es lo que hacemos por la mayoría de las veces cuando tenemos un dedo en gala a nivel del segundo metatarsiano, ¿vale? Entonces ponemos, quitamos el peso, quitamos, neutralizamos la espina ilíaca, la espina iritativa, ¿vale? Y luego subimos el retrocapital a nivel del segundo, ¿vale? Porque muchas veces tenemos aquí, ¿no? Apoya el pie en el primer radio, pero el segundo tiene un hiperapoyo y tenemos muchos problemas aquí, por eso el dedo está en cara. ¿Vale? Entonces, ¿sería el mismo sistema si tenemos, por ejemplo, un atrapamiento? ¿Cómo se le va a dar? Neuroma. Neuroma de Moffitt. Si se sería la misma cosa si se tiene neuroma de Moffitt. Sí, pero dice, ¿a qué se debe, a qué se debe un neuroma de Morton? A la compresión y a la anteriorización. ¿Eh? A una compresión lateral y una anteriorización. ¿Una compresión lateral de qué? Que muchas veces es consecuencia de la espina iritativa. Porque el pie par en supinación, en fait, los metatarsianos se cierran los unos sobre los otros. Cuando el pie se va a la supinación a causa de la espina iritativa, tenemos los metatarsianos y se cierran y sobre todo se frotan. Tenemos los metatarsianos que se van apretando y sobre todo que se van rozando. Haciendo, rozando contra el metatarsiano. ¿Vale? Sí, que sí. ¿Vale? Sí. Esto quiere decir que un de los mejores tratamientos que tenemos de Morton es el de la boca. Entonces, el mejor tratamiento para el neuroma de Morton es dar estabilidad a la parte del antepié. Asociado a las terapias manuales en el pie, que eso se verá la próxima vez o la siguiente, en todo caso este año. Los hábitos, ¿qué tipo de paciente sea? Cuando lo ponemos en un, que sea localizado, lateralizado. On est sur les patients d'une façon qui sont. Alors, si on a une dysfonction, un problème, un truc de fonctionnel au niveau du genou, ça veut dire qu'on est sur des patients déjà qui sont localisés. Tenemos un problema funcional a nivel de la rodilla, significa que estamos en pacientes que están localizados. Porque si son sistematizados, no va a dar ese tipo de examen. Porque si están sistematizados, no se va a explorar el paciente. Maintenant, si on est dans le cas d'une bonne arthrose, tenemos un problema de la arthrose y de la rodilla. Là, on ne peut pas dire au patient, vous n'êtes pas localisé, je ne sais pas ce que vous avez besoin. Nous ne pouvons pas dire au patient, vous n'êtes pas localisé, son dolor, je ne vais pas la traiter. Donc là, on va associer à notre traitement, notre traitement de semelle, on va rajouter un peu épais pour venir se cacher chez eux. Donc, dans ce cas, le patient est este, on va faire le traitement postural que nous avons prévu et le vamos ir associando à ese EMI un peu plus mal, traitant la. On va faire en sorte de toute façon de le soulager. Le dolor hace que. Tenemos que usar eso en pacientes localizados. Ahora, si hay pacientes sistematizados, también tenemos que ver que tenemos que tratar el dolor. ¿Vale? Lo que has dicho, si tenemos un paciente con un dolor de rodilla por artrosis de la rodilla y que lo tenemos sistematizado, no le vamos a decir, mira, está sistematizado, no te pongo el elemento. Entonces, se hace toda la exploración clínica, se busca los elementos que necesita este paciente y a esta plantilla le añadimos el EMI para la rodilla. ¿Vale? Voilà. D'autant plus que la bonne arthrose peut faire passer une patient d'un état systématisé à un état systématisé. A part que la arthrose de la rodilla peut que un patient localisé, en culpa de la arthrose de la rodilla, passe à être systématisé. Parce que vous imaginez bien que si vous avez mal, vous allez avoir du mal et des tensions. Parce que si duele algo, imaginez que tenemos dificultades à estar relajado. Donc de toute façon, votre tenue s'y sera complètement perturbée à cause de la douleur. Donc le tono sera complètement distinto por culpa del dolor. Si es bilateral, le pones los dos. Porque no buscas ya prioridad ni de uno ni de otro. O sea, eso de que si está sistematizado, solo son culpables, eso ya no. No, pero puede ser que tiene un corredor que dice que le duele la rodilla. Si somos el motivo principal de consulta, es el mismo. Directamente vas a poner el EMI, o primero le haces postulatónico, ves qué tipo de paciente es. Si es un tema generalizado y solo tienes que dejarlo con el Romberg, también aparte del tratamiento con el Romberg, le pones el EMI también. Si tiene un problema y la gente la va a decir, ¿es que yo voy directamente al EMI o si con el dame un poco de dinámica? Parce que l'exploration complète. Parce que la douleur de genou peut venir aussi, par exemple, d'une étude négative. Porque la dolor de rodilla, si no es esto, puede también llegar de una espina irritativa. Et que peut-être que cette douleur de genou, on va la traiter avec un EMI, justement. Y quizás ese dolor de rodilla lo vamos a tratar con un EMI para la espina irritativa, pero no con la EMI. Como si fuera la cintilla y la tibia. ¿Vale? Parce que le genou, il faut bien comprendre que c'est le taux, le genou, c'est le valet du pied de la hanche. Et le serpent. Le serpent, le valet, c'est le pied de la hanche. La rodilla, c'est le serpent de la cadera y de la tibia. Attends, donc le genou subit énormément de ce qui se passe au-dessus et en dessous. Lo que pasa arriba de la rodilla, siempre la rodilla está en el centro. Oui, de toute façon. La forma en que se hace la exploración física completa, que se llega con un dolor, de que la cirugía se puede. Igualmente hacer la exploración clínica completa, ¿vale? A ver si nos deja nada de la. Et il demande si le mien est sur le pied de la ville. Pase lo que pase, igual sea el dolor del paciente, tienen que hacer siempre una exploración completa. ¿Vale? Para no dejar nada atrás. Porque sería una tontería tratar una cosa sabiendo que hay otra cosa que va a provocar esto. Entonces no estáis tratando al paciente realmente. Donc, Jean. Donc si on regarde maintenant par rapport à l'action des épaisseurs, des éléments. Ahora si miramos respecto a la altura de los elementos. D'accord. Lorsqu'on est sur des éléments très fins, cuando estamos en elementos muy finos, on va avoir une action qui est plutôt centrale. Vamos a tener una acción central. Action centrale, ça veut dire qu'on a une action au niveau des centres d'intégration. Acción central significa que vamos a tener una acción a nivel de los centros de integración. Au niveau des pathologies, ça va plutôt s'appliquer sur ce qu'on appelle les pathologies fonctionnelles. La pathologie, c'est pas la fonctionnelle. Donc c'est les pathologies gérales, c'est un comportement pélaire. Tout est négatif. Ce sont les pathologies que quand que sont que duele, pero cuando se hace radiografía y exámenes así, pues no se encuentra nada. Et au niveau de l'action d'éléments, on va avoir une action qui est plutôt globale. Y al nivel de la acción de elementos vamos a tener una acción más bien global. Entonces, c'est pas une action qui est ciblée sur une partie spécifique du corps, c'est une action qui va traiter un peu dans la globalité. No es para una parte del cuerpo en concreto, es más bien para una acción general. Si par contre on est sur des éléments un petit peu épais, donc là on va être en gros sur du 3 à 4 mm. Cuando pasamos a 3 o 4 milímetros más o menos. 2, 3, 4, c'est ça la louche, hein, je vous dis ça. On a une action plutôt musculaire. Tenemos una acción más bien musculaire. D'accord. Donc au niveau des pathologies, on va être sur des pathologies qui peuvent être fonctionnelles mais aussi un peu organiques. Vamos a tener patologías que son funcionales, pero también pueden llegar a ser orgánicas. Estamos en medio. Vale. Non, mais sur une action un peu intermédiaire. Et si on vient sur des éléments qui sont très épais, et quand on arrive à éléments plus épaisses, 4, 5, 6 mm, 4, 5, 6 mm, l'action va être articulaire. L'action va être articulaire. On va plutôt l'utiliser sur des pathologies organiques. La usamos para patologías orgánicas. Donc là, on est par exemple sur de l'arthrose. Arthrose, par exemple. D'accord. Et au niveau de l'action, on a vraiment une action qui est très ciblée, qui est très analytique. Y al nivel de la acción, tenemos una acción muy precisa, muy analítica. C'est-à-dire que plus vous augmentez l'épaisseur de l'élément, más se aumenta el grosor del elemento, et plus vous ciblez en fait son action au niveau du corps. Más preciso es la acción que le vaya a dar al elemento. D'accord. Vous verrez par exemple avec l'EMI, un EMI de 0,8 mm n'a pas du tout la même action qu'un EMI de 6 mm. Un EMI de 0,8 milímetros no tiene absolutamente para nada la misma acción que un EMI de 6 milímetros. D'accord. Pero eso, cuando vamos avanzando en la formación. Un EMI, par exemple, juste pour finir, un EMI 0,8, on va l'utiliser par exemple pour des troubles d'origine émotionnelle. Un EMI de 0,8 milímetros se va a usar para l'émotion. Para problemas emocionales, por ejemplo. Disfunción de origen emocional. Vous voyez que là, on est vraiment sur tout l'ensemble du corps. C'est une action qui va être utilisée sur tout l'ensemble du corps. El conjunto del cuerpo entero. Tandis qu'un EMI de 5 mm va avoir une action qui est ciblée que sur le genou. En cambio, un EMI de 5 mm va tener une action solo en la rodilla. D'accord? Ça, tout ça, vous allez apprendre et vous allez vous rendre compte que l'épaisseur, en fonction de l'épaisseur, on n'a pas du tout la même action, même avec le même élément de stimulation. Con el mismo elemento, dependiendo del grosor, no tenemos la misma action. Eso lo va añadiendo poco a poco. Ça dépend pas de quoi. Ça dépend de la pression. Si vous avez une action de vos éléments, elle va dépendre en fait de la profondeur des capteurs qu'elle va estimer. L'action de componente no depende del peso del paciente, sino de la profundidad a la cual va impactando los receptores en el contexto. Et donc, les capteurs que vous voulez atteindre, ben vous allez mettre plus ou moins d'épaisseur si vous voulez aller chercher en profondeur le bon appareil. Et selon le capteur que vous voulez alcanzar, c'est le grosor qui va cambiar. Et cuanto más grueso, va más profundo. Va buscar un capteur que no es el de ce bon appareil. Et ça, c'est un mouvement du poids du patient. Solo tiene nada que ver con el peso del paciente. Pero 0,8 kg, tiene 0,8 kg. Yo creo que... La piel elástica, si tu rendes 0,8 kg, tu pasas 1 kg, 80 kg, tu la piel es elástica igual. Là, on n'est pas sur une notion de poids, mais sur une notion de hauteur. Que haga 20 kilos, 50 o 120 kilos, lo va a molestar de alguna forma. Basta. Quiero pensar, ¿no? Ya. Yeah.